Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, la famille Plouffe. Le roman lui-même, c'est la source de toutes ces histoires-là qui naissent aujourd'hui, contenait en soi, en puissance, toutes les histoires que vous entendez aujourd'hui. Parce que ce qui peut arriver à ces personnages-là, c'est infini. N'est-ce pas? Les Plouffe ont été un point de départ, mais je ne peux pas tout de même transmettre à la télévision ou à la radio exactement ce qui était dans le livre. Pour plusieurs raisons, dont une qui est très importante, je n'aime pas me répéter ou adapter mes œuvres. Je veux faire des choses nouvelles à chaque fois. L'histoire de la famille Plouffe est fascinante. C'est l'histoire d'une famille qui n'existe pas, une famille dont les personnages sont inventés par l'auteur Roger Nemelin, qu'on vient d'entendre ici, une famille dont on suivra les aventures pendant des décennies à la radio, à la télévision et au cinéma, une famille dont l'histoire inventée finira presque par se confondre avec celle de tout un peuple. Radio-Canada présente les grands romans canadiens. Les Plouffe, second roman de Roger Lemelin, Bourse Guggenheim, 1946 et 1947. Inutile de vous dire, mademoiselle, que ça va attirer une foule de gens, ce tournoi d'anneaux. Guillaume, c'est votre frère, Monsieur Ovid? Ben oui, c'est mon frère. Il est solide, je vous prie de le croire. Oh, Monsieur Ovid, emmenez-moi à ce match, voulez-vous? Je connais bien l'arbitre, Stan Labrie. Stan Labrie? Ben oui, le fameux lanceur de baseball. Savez-vous que j'ai jamais assisté à un match? Alors, c'est entendu, mademoiselle Toulouse, je vous attendrai à 8h moins quart. À ce soir, donc, Monsieur Ovid, au championnat! À ce soir, mademoiselle Toulouse. Extrait de l'adaptation à la radio du roman « Les Plouffe » de Roger Lemelin. Le roman est publié en 1948. Il sera adapté pour la radio en 1951. Une série radiophonique va suivre à compter de 1952. Puis un téléroman, le premier téléroman de notre histoire de 53 à 59. Suivra un film, une télésérie dans les années 80. Bref, une histoire, je vous le disais d'entrée de jeu, qui va nous suivre, cette histoire inventée des Plouffe, pendant des décennies. Pour nous raconter cette histoire des Plouffe, le critique de cinéma au journal Le Devoir, André Lavoie. André, commençons par parler un peu de Roger Lemelin, l'auteur des Plouffe. Le roman est écrit en 48, c'est son deuxième roman. Mm-hmm. Qui est Roger Lemelin? Bien, Roger Lemelin, il est né au milieu de l'univers qu'il décrit. Alors, il est né le 7 avril 1919 à Québec, mais précisément dans le quartier Saint-Sauveur, très précisément dans la paroisse Saint-Joseph. Et c'est là qu'il va puiser, un peu comme Michel Tremblay va le faire dans le plateau Mont-Royal, c'est là qu'il va puiser la matière de son œuvre. Et lorsqu'il était jeune, en fait, il se destinait à une carrière sportive. Et il a eu un accident de ski qui l'a cloué d'abord dans un fauteuil roulant et ensuite, il était obligé de porter des béquilles. Donc, pendant 5 ans, il ne pouvait pas sortir, il ne pouvait pas faire du sport, il était très isolé. Ouais. Il a lu et il a écrit. Et c'est là qu'est née sa passion pour l'écriture et son désir de devenir écrivain. Et dans le fond, il a fait comme à peu près tous les créateurs font, c'est de s'inspirer de son entourage, de s'inspirer de ce qu'il voyait autour de lui. Et ça a donné lieu à des premiers romans, d'abord « Au pied de la pente douce » et après « Les Plouffe », parce qu'au pied de la pente douce, ça avait obtenu quand même un assez bon succès, mais il va vraiment connaître la consécration avec « Les Plouffe » en 1948. Et de là, en fait, ça va déterminer une bonne partie du reste de sa carrière. Oui, parce que, bon, il finira à la presse, tout ça, à la direction de la presse. Oui. Mais au fond, pendant des années, il sera l'écrivain, puis on va y revenir, là, mais il sera l'écrivain de toutes les adaptations, l'auteur de toutes les adaptations des Plouffe qui vont se décliner à la radio, à la télévision. Ça raconte quoi, en un mot, les Plouffe, André Lavoie? Ben, en fait, ça raconte l'histoire d'une famille typiquement québécoise. Ouais. Une famille qui, vous le disiez, n'existe pas, mais en même temps qui existe dans la mesure où c'est inspiré de tout son entourage. À peu près tous les personnages que vous retrouvez dans le roman sont des personnages qui sont soit directement inspirés de sa famille ou de son entourage. Alors, il y avait là une matière assez riche et il a décrit cette famille-là qui est en fait une métaphore aussi de la société québécoise. En fait, il décrivait une société en transition. Parce que le roman, il faut quand même le préciser, se passe entre 1939 et 1945, donc avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est une époque charnière, non seulement pour le Québec, mais le Canada, mais pour tout le monde occidental, parce qu'il va y avoir des bouleversements socio-économiques majeurs. Et il décrit cette transition-là, ces changements-là. Et il montre aussi, et ça, ceux qui ne connaissent que le téléroman sont un peu surpris, mais il montre une sorte de dureté, parce que c'est un des premiers romans de l'urbanité québécoise, ouais. de la ville québécoise. C'est un roman qui est important, là, avec d'autres, oui, comme celui comme de Gabriel Roy. Exactement, Bonheur d'occasion. Mais je vous dirais que sur le plan littéraire, Bonheur d'occasion est une œuvre beaucoup plus achevée que Les Ploufs. Mais Les Ploufs, quand même, ça mettait la table à toute une série de romans. Il y a beaucoup d'écrivains québécois, dont Victor Lévy-Beaulieu, par exemple, qui se réclament de Roger Lemain dans cette idée d'exprimer, et je le dis pas de manière péjorative, mais d'exprimer la québécitude, d'exprimer l'identité québécoise. Mais urbaine, parce qu'on sort et moderne, on sort des on sort de la paysannerie, on sort de la campagne. Tout à fait. Bon, il va les adapter, ça va tellement marcher, ce roman 48, oui. Qu'il y aura une adaptation radio, une série radio, une série télé. On l'entendait au tout début de l'émission, Roger Lemain dire... c'est important de le signaler parce que ce sera lui qui adaptera les différentes versions radiophoniques, télévisuelles, même au cinéma. Et c'est important parce que, bon, ça va le faire travailler pendant des années, mais parce qu'aussi ça va lui permettre de créer une autre œuvre, de s'inspirer du roman, mais de faire autre chose, André. Tout à fait. En fait, il va d'abord s'adapter au médium pour lequel il travaille. Parce que d'abord à la radio, ensuite à la télévision, il y a des contraintes de temps. Exemple typique de contrainte, il doit intégrer les publicités à l'intérieur même de l'intrigue, parce qu'évidemment, déjà à l'époque à Radio-Canada, on avait besoin des commanditaires pour produire les émissions. Alors déjà ça, c'est un défi d'écriture. Il écrivait seul tous les épisodes, il va en écrire à la télévision plus de 194. En plus de ça, il va devoir écrire la version anglaise, parce que la famille Plouffe va être bilingue, donc les comédiens francophones devront jouer dans la version anglaise. Alors tout ça, il devra faire ça. Ça sera un travail énorme qui va d'ailleurs l'épuiser et qui va un peu l'éloigner des Ploufs après ça, parce que il ne vivait et ne pensait qu'à ça. Et chose importante par rapport au téléroman et au radioroman, c'est que là, les personnages, l'univers va être littéralement en phase avec la société. C'est-à-dire que là, il va illustrer une famille québécoise des années 50 qui n'est plus du tout prise dans les difficultés de la Deuxième Guerre mondiale, mais qui va, dans le fond, évoluer et accompagner les auditeurs et après les téléspectateurs. Un feuilleton qui nous montre la réalité la cuisine, comme ils la vivent au quotidien. Oui, mais évidemment, le téléroman est un peu, je dirais, claustrophobique dans la mesure où on travaillait en studio et la cuisine québécoise est un peu comme la caisse de résonance de la société québécoise. Là. C'est ça un peu l'idée pour des raisons techniques, là, mais c'est plus tard qu'il va pouvoir s'échapper de cette cuisine-là, mais pour le moment, pendant des années, il va être confiné à la cuisine. Ça, c'est la musique du téléroman André Lavoie qui est diffusée donc de 53 à 59. Il reste très, très peu d'épisodes de ce téléroman. Vous le disiez, diffusé en français et en anglais, ça va être un succès monstre. Roger Lemelin racontait que sa grande fierté, c'était de réaliser que le mercredi soir, parce que c'était le soir où le téléroman était diffusé en français, la consommation d'eau à Montréal baissait et il y avait moins de monde dans les églises. Alors, pour un anticlérical comme Roger Lemelin, c'était le bonheur. Et donc, les gens s'identifiaient énormément à cette famille-là, parce que c'est une famille extrêmement typée. Je veux dire, chacun des personnages avait des caractéristiques très définies. Ils étaient interprétés par des comédiens extrêmement chaleureux, extrêmement dynamiques. Ils étaient en phase avec le personnage qu'ils interprétaient. Je pense que Amanda Hilary fait une formidable maman plouf. Ouais. Et donc, chacun de ces personnages-là, on peut s'identifier ou pas, mais on les reconnaît d'emblée et on les aime pour leurs qualités, mais aussi pour leurs défauts. Et ça va atteindre le chiffre paraît complètement surréaliste, saugrenu, mais les pointes des Ploufs, évidemment, en français et en anglais, là, mais 4 millions de téléspectateurs à un moment donné. Il faut comprendre, il faut se ramener à l'époque. Les plus jeunes vont trouver ça un peu difficile, là, mais tentons l'exercice. À l'époque, il n'y avait qu'un seul poste de télévision au début des années 50. Et donc, on avait un auditoire extrêmement captif. Il y avait un engouement aussi. La télé, c'était comme cette boîte magique. Tout à fait. Il y avait un engouement. Il y avait une curiosité. Il y avait le fait que c'était un auditoire extrêmement captif. Et le fait de diffuser dans les deux langues, ça décuplait un peu. C'est sûr que je vous cacherai pas, et même Lemelin l'a dit, la version anglaise des ploufs était moins populaire que la version française, la version originale, mais il en demeure pas moins que les auditoires combinés, parfois, ça pouvait aller jusqu'à 4 millions de téléspectateurs. Et c'est sûr qu'avec nos yeux d'aujourd'hui, ça paraît complètement insensé, effectivement. Ouais. Le succès. Pourquoi un tel succès? Au fil des différentes adaptations de cette œuvre, Les Ploufs, pour nous mettre un petit peu dans l'ambiance, puis on y reviendra dans un instant ensemble, André Lavoie, un extrait du film de Gilles Carle en 1981. Il y a dans ce que vous allez entendre ce qui est devenu une des répliques célèbres de notre cinéma. Vous voulez chanter de l'opéra, vous? Vous faites rire de vous? Vous vous comportez à monsieur avec les dames? Vous aimez mieux les champions? Vous cherchez une meilleure situation dans un bureau? Vous manquez de compétences, tu sais? Il n'y a pas de place nulle part pour les Ovid Ploufs du monde entier. Je vais rentrer demain au monastère. Allez-vous me prêter votre valise de noces? C'est formidable quand même, l'écriture, en tout cas de cette adaptation au cinéma, cette phrase célèbre, c'est vraiment devenu un des classiques de notre cinéma. Il n'y a pas de place nulle part pour les Ovid Ploufs du monde entier. Il y en a plein d'autres, des phrases aussi fortes dans le film en tout cas, mais le succès. Est-ce que l'écriture y participe d'une part? Oui, en fait, c'est sûr que le roman au départ a mis la table au succès qui va suivre. Ouais. Et comme je vous disais, il y a une question de reflet. Il y a une question d'effet miroir. Il y a une question... Des personnages magnifiques. Des personnages magnifiques. Et le fait que ça montre une société qui n'est pas si simple, qui est traversée par toutes sortes de courants, qui est traversée par des contradictions, qui est traversée aussi d'aspirations. Et c'est ça que les personnages de la famille Plouffe incarnent aussi. Je veux dire, Guillaume, qui rêve de jouer dans une équipe de baseball aux États-Unis, c'est à la fois décrire l'américanisation de la société québécoise, mais montrer aussi le côté ambitieux, un peu self-made man, des Québécois qui étaient là, en germe, qui n'étaient pas encore, on n'était pas encore dans le Québec Inc. des années 80, mais ça illustrait ça aussi. L'intellectuel incompris. L'intellectuel incompris, s'il y a quelque chose qui est universel, je crois que c'est ça. Et la maman tarte aux pommes, là, je veux dire, on s'entend que maman Plouffe, je veux dire, elle incarne un peu la mère fantasmatique, à la fois étouffante, mais aimante, généreuse, mais sévère. Le père taciturne, je veux dire, les romanciers, les cinéastes québécois ont passé, ont écrit des livres et fait des films là-dessus. Donc, tout ça, forcément, fait que les téléspectateurs, les lecteurs, les spectateurs de cinéma, d'emblée s'identifier à ça. Et comme je vous disais, les personnages sont extrêmement typés. Donc, à la fois, c'est facile de s'identifier, c'est facile de les reconnaître, c'est facile de les aimer ou de les détester. Et la galerie est impressionnante. Puis on se reconnaît, vous le disiez, mais on se reconnaît dans ces personnages-là. C'est notre voisin, c'est notre frère, c'est notre tante. C'est ça, les Ploufs aussi. Hitler représente la félonie et l'organisation du mal. L'Église ne bénit pas la guerre, mais elle bénit le glaive de ceux qui savent l'employer au bien. Pour assurer leur victoire, nous devons tous profiter de ces prières solennelles pour demander au Sacré-Cœur d'allumer en nous et de spiritualiser. Le Sacré-Cœur a perdu. Ça, c'est un extrait que vous aimez bien du film de Gilles Carle, André Lavoie. Vous nous direz dans un instant pourquoi, mais moi, ce qui me frappe, puis on l'a déjà un peu abordé ensemble, c'est on a parlé de la force des personnages. Dans ces personnages, on se reconnaît. Puis le contexte, le portrait de société, c'est le cardinal Villeneuve. Le personnage du père Théophile est fabuleux là-dessus. Il y a des positions très fortes, surtout dans le film, sur la conscription, sur les syndicats. Ça, c'est très important aussi, ce portrait de société. Bien, en fait, ce que ça illustre aussi, c'est que, oui, la société québécoise de l'époque était, on dirait, majoritairement contre la conscription, mais ce n'était pas tout le monde qui était contre la conscription. Il y avait des gens qui étaient pour aller à la guerre, qui étaient pour la défense des démocraties qui étaient assiégées par le régime d'Adolf Hitler en Europe. Et donc, le film illustre ces contradictions-là, mais ça présente aussi le pouvoir de l'Église qui se fragilise. Mm-hmm. Et c'est ça aussi, parce qu'il y a le discours officiel. Parce qu'il y a des gens comme Théophile qui vont fermer le clapet au cardinal en fermant l'appareil, en fermant la radio quand ça ne fait plus leur affaire. Tout à fait. On vient d'entendre. Et en plus, ça montre justement que il y a un côté un peu... On a beaucoup, par exemple, parlé du caractère un peu mouton des Québécois et qu'on dit « Ah, là, c'est Jean-Baptiste qui a le mouton, puis c'est parce qu'il est bon. » Mais là, on voit des personnages qui s'affranchissent ou qui s'affirment face à l'autorité et une autorité qui est ouvertement contestée. Donc, toute la scène cristallise ça un peu. Et Roger Lemelin, dans son œuvre, en général, essayait aussi d'illustrer ça. Cette volonté de s'affranchir de certains pouvoirs qui est un peu oppressant pour permettre l'épanouissement du peuple québécois. Donc, lui, c'est pour ça, d'ailleurs, c'est pas étonnant que lui soit devenu aussi un homme d'affaires. Mm-hmm. Alors, il y avait, lui aussi, même s'il venait d'un quartier ouvrier, d'un milieu modeste, lui aussi, comme individu, il voulait s'affranchir et lui aussi voyait le pouvoir de l'Église et le trouvait étouffant. Donc, lorsqu'il écrit des scènes comme celle-là, c'est ça aussi qui conteste. Oui. Le film, on a déjà le film de Gilles Carle en 1981. Déjà dans cette émission, on a, et c'est pas un hasard, on a diffusé deux extraits de ce film-là. C'est un film important, André Lavoie, dans l'histoire du cinéma québécois. Tout à fait. D'abord, je dois dire que c'est de mon point de vue, c'est un des meilleurs films de Gilles Carle. C'est son dernier grand film. C'est pas son dernier film, mais à mon avis, c'est son dernier grand film. Donc, c'est un film qui est important pour lui aussi. Pour lui aussi, tout ouais. à fait. C'est une œuvre ambitieuse. Écoutez, c'est la production menée de main de maître par Justine et Denis Héroux avait coûté à l'époque environ 5 millions de dollars. Transposant en dollars d'aujourd'hui, c'est 13 millions de dollars. C'était une mini-série, un film, donc c'est un tournage qui s'est échelonné sur des mois. Il y avait près de 200 rôles parlants, des milliers de figurants. On a tourné à Montréal, à Québec. On a reconstruit d'ailleurs ou modifié une partie du quartier Pointe-Saint-Charles à Montréal pour que ça ressemble à Saint-Sauveur, parce que Saint-Sauveur ne ressemblait plus au Saint-Sauveur des années 40. Et donc, c'était vraiment, vraiment une production ambitieuse. Et Gilles Carle, avec son expérience, a d'abord travaillé à l'élaboration du scénario avec Roger Lemelin. Mm-hmm. Il se disait, l'auteur est encore vivant, on va partir de son œuvre, on va faire table rase du téléroman, on va revenir à l'essence de ce que sont les ploufs. Et à ça s'est greffé, il faut bien le dire, les souvenirs de Roger Lemelin. Parce que Roger Lemelin, lorsqu'il écrit son œuvre en 1948, il est jeune, il y a beaucoup de choses qu'il ne sait pas, entre autres de sa famille qu'il va apprendre plus tard. Et ses souvenirs, sa vision, qui évidemment se modifie avec le temps, ben ça va nourrir le scénario de Gilles Carle et de Roger Lemelin. Et ça donnera pas une œuvre, en fait, une des nombreuses ambitions de Gilles Carle pour ce film, c'est de sortir de la cuisine. Hein, ouais. Ça, c'était voulu. Et les moyens lui permettaient. Et il a exigé ces moyens-là aussi. Des rues avec du monde dedans. Oui, des voitures d'époque. Ça s'était déjà fait avant. Je veux dire, je pense qu'à son époque, Kamouraska de Claude Jutras avait la même ampleur, la même ambition. Mais dans le cas de Gilles Carle, je veux dire, écoutez, un budget, c'était pharaonique là, pour l'époque, un tel budget. Et donc, il a réussi à montrer non seulement les personnages, non seulement la famille Plouf, mais comme il le disait lui-même, je veux montrer l'arrière-plan. Oui. Je veux pas qu'on parle d'une procession du Sacré-Cœur, je veux la voir. Mm-hmm. Je veux pas qu'on parle de la visite de la reine d'Angleterre en 1939 à Québec, je veux la montrer. Mm-hmm. Je veux les spectateurs la voient. Et puis, avec cette participation, cette collaboration de Roger Lemelin, dont vous parliez il y a un instant, tous les deux vont écrire ce scénario ensemble. Mm-hmm. On va revenir à l'esprit du roman de 48. On va rajouter des choses. Mm-hmm. Vous avez abordé ça un petit peu, André, mais Gilles Carle est un fin renard. Il va être complice, il va aller chercher des confidences et Lemelin va enrichir son œuvre lui-même. Tout à fait. Le personnage du père est beau là-dessus. Oui. Et la maîtresse. tout à fait. Lorsqu'un artiste vieillit, il prend maturité. Roger Lemelin a pris en maturité lui aussi. Et donc, en 1979-80, lorsqu'il écrit le scénario, il a vécu, il a une famille, il a été en affaires, il a vu la société québécoise se transformer. Donc, c'est évident qu'en 1948, il ne pouvait pas, par exemple, donner à Théophile une maîtresse et parler de ça. Roger Lemelin le raconte en entrevue, il a appris plus tard que son père avait une maîtresse qui, curieusement, s'appelait Ramona. Ouais. Et comme par hasard, dans le film de Gilles Carle, on voit tout à coup Amulène Garneau qui sort un peu de nulle part et on découvre qu'elle interprète le rôle de Ramona, qui est la maîtresse de Théophile, jouée par Émile Genet. Je me rappelle, parce que j'ai vu le film au moment de sa sortie pour la première fois, et je me rappelle à l'époque, ça avait choqué beaucoup de gens parce qu'on avait justement la vision du père Plouffe du téléroman. Mais honnêtement, Roger Lemelin était davantage fidèle à l'univers qu'il décrivait qu'au roman, dans ce cas précis-là. Et ça va très très bien marcher, ce film, cette télésérie, si bien qu'il y aura un nouveau roman d'écrit, Le crime de Vitplouf, qui va déboucher sur un autre film, une série. Le film sera réalisé par Denis Arcand. Il reste quelques secondes, André, mais dans notre imaginaire collectif, la place des Plouffe. Moi, je pensais, est-ce qu'il y a un équivalent, certainement, une œuvre qui a été aussi souvent reprise et adaptée, très probablement Un homme et son péché, Les belles histoires des pays d'en haut, tout ce qui suivra, mais les Plouffe, au fond, la place des Plouffe dans tout ça. Moi, je crois qu'il y a deux importances majeures. En fait, il y a deux phénomènes majeurs par rapport aux Plouffe, par rapport à Roger Lemelin. D'abord, les Plouffe de Roger Lemelin, le livre, va installer une nouvelle forme de littérature québécoise et va surtout donner l'impulsion à beaucoup d'écrivains de suivre les traces de Roger Lemelin, parce qu'il ne faut pas oublier que les Plouffe ont connu un succès international. Ouais. Je parle du livre, là. Donc ça, là, il y a des écrivains du même âge que Roger Lemelin ou de la génération suivante qui vont s'inspirer du culot, j'oserais dire, de Roger Lemelin, parce que Roger Lemelin va porter cette œuvre-là et ça va justement décomplexer beaucoup d'écrivains québécois. C'est une chose. Deuxième chose, par rapport au téléroman, c'est que le téléroman Les Plouffe, c'est la genèse de tous les téléromans québécois. Tous les téléromanciers québécois vont d'une façon ou d'une autre partir des Plouffe pour construire leur œuvre. Ouais. Et ça, c'est sûr que ça a du bon et du moins bon. Il y a beaucoup de gens qui ont jugé que les téléromans étaient claustrophobiques parce que souvent confinés dans des cuisines. Mais bon, il y a des questions de budget, des questions de coûts et tout ça. Mais, je veux dire, cette idée de radiographie la famille québécoise et de montrer son évolution, on doit ça à Roger Lemelin. Et même Claude Meunier, il est redevable de Roger Lemelin avec La petite vie. On s'arrête là-dessus. André Lavoie, critique cinéma au devoir. Merci infiniment. Merci, Jean. C'est toujours un plaisir. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation, les recherchistes Caroline Morin et André Martineau, à la recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Chantal Benoît. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Jean Beauchamp. À la prochaine.